Présence actuelle du latin en Europe. Permettez-moi donc de vous montrer d'abord quelle est la présence actuelle du latin en Europe en vous soumettant faits, cartes et chiffres pour illustrer de nombreux exemples dont la liste est loin d'être exhaustive. Que constatez-vous si sur la carte de l'Europe vous placez celle de l'Empire romain, qu'avec le moins de bon sens, on ne peut limiter à ses orgies, jeux sanglants et autres folies? Au 1er siècle de notre ère, Pline l'Ancien lui-même, dans son histoire naturelle, alors qu'il n'est pas toujours très tendre envers cet empire, souligne tout de même que cet empire, en réunissant tant d'empires dispersés au langage discordant, leur a apporté une communauté de langage qui donne aux hommes la faculté de se comprendre. Et dans cet immense empire, qui s'est achevé, en Occident du moins, à 476 de notre ère, il a perduré en Orient jusqu'à 1453. Vous comprendrez sans peine que le latin a dû laisser quelques traces.